بسم الله والحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc on continue le dars là où on était rendu la semaine passée et on va reprendre ce qu'on avait dit à la fin parce que on n'avait pas eu beaucoup de temps à cause de l'iftar que les gens ont fait donc on était retardé donc on va repartir à partir on va commencer là où on était et umur yaf'aluha ba'd an-nas wa hiya min ash-shirk aw min wasa'ilihi c'est-à-dire des choses que des gens font ou des choses que certaines personnes font qui font partie du shirk ou qui font partie des moyens qui amènent les gens au shirk, qui sont parmi les moyens qui amènent les gens à commettre le shirk, mais qui ne sont pas nécessairement shirk par eux-mêmes. Donc le shirk il dit « هناك أشياء متردّدة بين الشرك الأكبر والأصغر بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر بحسب ما يقوم بقلب فاعلها وما يصدر عنه من الأفعال والأقوال ويقع فيها بعض الناس وقد تتنافى مع العقيدة أو تعكر صفوها وهي تمارس على المستوى العام ويقع فيها بعض العوام وتأثرا بالدجالين والمحتالين والمشعوذين وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه الأمور نعم Donc le shirk il dit, il y a des choses qui sont entre le shirk akbar, qui font soit partie du shirk akbar ou du shirk asghar, c'est-à-dire qui font soit partie du shirk qui est majeur ou du shirk qui est mineur. Et tout dépend de ce qu'il y a dans le cœur de la personne qui le fait, lorsqu'il fait cet acte ou qu'il prononce ses paroles. C'est-à-dire que certaines de ces choses-là, elles font partie du shirk, mais selon ce qu'il y a dans le cœur de la personne lorsqu'elle le commet, ça peut être soit majeur ou mineur. Et donc, on va comprendre un petit peu comment on fait pour savoir est-ce que c'est un ou l'autre. Parce que bien entendu, il y a des règles pour comprendre ça. Le shirk dit waqad tatanafa ma al-aqida. Ces choses-là, elles vont en contradiction avec la croyance. Et elles peuvent aussi diminuer sa pureté, la pureté de la croyance. Et elle est pratiquée par beaucoup de gens en général. C'est des choses qui sont répandues. Et parmi les gens ordinaires aussi, beaucoup de gens ils les pratiquent et ils se font influencer. Ils sont influencés dans ça par des charlatans, des faux prophètes ou bien des gens qui prétendent connaître l'avenir, des choses comme ça, des devins, des marabouts ou d'autres noms, comment on les appelle. Et le cheikh il dit, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis de toutes ces choses. Et la première chose dont le cheikh mentionne, c'est l'ibs al-halqa wal-khayt wa nahwihima biqasdi raf'i al-bala ou daf'ihi. C'est-à-dire de porter une chaîne, ou une corde ou quelque chose de ce genre dans le but d'éloigner le mal ou de l'empêcher. C'est-à-dire un porte-bonheur ou un objet qu'on porte sur soi pour nous protéger contre quelque chose de mal qui pourrait nous atteindre, que ce soit une maladie, que ce soit un mauvais œil, que ce soit un mauvais sort, ou des choses comme ça. Il y a des gens qui portent ces objets-là sur eux-mêmes pour essayer de soit d'éliminer ces effets-là sur eux, ou bien de les enlever une fois qu'elles ont atteint. Donc, ces choses-là, ça a été mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis on va expliquer un peu c'est quoi les règles en ce qui concerne ces choses-là. Cheikh dit, وذلك من فعل الجاهلية وهو من الشرك الأصغر وقد يرتقي إلى درجة الشرك الأكبر بحسب ما يقوم بقلب لابسها من الاعتقاد بها. Donc le cheikh il dit ça fait partie des actes des gens de l'ignorance, c'est-à-dire à la période des gens avant la venue du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Ça faisait partie de la pratique de ces gens-là, c'est-à-dire les pratiques des mouchriquins, des idolâtres. Ok? Et le cheikh il dit que ça fait partie du shirk mineur. Ok? Mais que ça peut monter de degré et atteindre un shirk akbar. Ça peut aussi atteindre un shirk majeur, c'est-à-dire un shirk qui te fait sortir de l'islam selon ce qu'il y a dans ton cœur ou selon ce qu'il y a dans le cœur de la personne qui le porte. Et selon qu'est-ce qu'elle croit, d'accord. Et comment on peut comprendre, yani, c'est quoi la règle ou c'est quoi le principe sur lequel on peut comprendre d'où vient cette contradiction avec la croyance, hein? D'où vient la contradiction du fait de porter ces choses-là pour se protéger d'un mal? En quoi ça vient contredire la croyance islamique? Ça vient contredire la croyance islamique du point de vue que un musulman, un croyant, un mu'min, quelqu'un qui a unifié Allah, qui a cru à l'unicité d'Allah, il a tawhid, il est convaincu et il croit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le seul qui peut le nuire ou qui peut lui faire un bien quelconque. Tout le bien et tout le mal et tout ce qui se produit dans l'univers est contrôlé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, yani, quelqu'un ne peut pas croire que, à part Allah subhanahu wa ta'ala, une idole ou un être humain ou une chose peut le protéger de mal en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou peut lui donner un bien quelconque sans que ça vienne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de versets dans le Coran qui prouvent ce principe-là. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala il dit أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أم أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que vous n'avez-vous pas vu ceux qui invoquent ou n'avez-vous pas vu ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah subhanahu wa ta'ala veut pour moi un mal, est-ce que ces idoles-là ou ce que vous adorez ou ce que vous invoquez en dehors d'Allah, est-ce qu'elles sont capables d'enlever ce mal qu'Allah a fait venir sur moi? Ou si Allah subhanahu wa ta'ala me veut une miséricorde, est-ce qu'elles sont capables de retenir sa miséricorde? Qu'al hasbi Allah dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous suffit. Et c'est sur lui et c'est en lui que les gens qui mettent leur confiance, dans Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas un objet ou une chose qu'on va porter sur soi qu'on va croire que cet objet-là ou cette chose-là qu'on porte va nous protéger contre un mauvais sort ou contre une maladie ou contre un malheur ou quelque chose comme ça. Ça peut être un exemple, par exemple les gens qui portent une croix, les chrétiens portent une croix dans leur cou, alaykoum salam wa rahmatullah. Et ils croient que cette croix les protège lorsqu'il y a un accident. Par exemple, ils vont en voiture ou quelque chose, la voiture renverse et tout, et puis ils sont sains et saufs, ils vont dire « Ah, c'est à cause de la croix. J'ai porté cette croix, puis elle m'a protégé contre l'accident ou contre une blessure ou contre la mort ou quelque chose comme ça. Comme j'avais mentionné la dernière fois aussi, il y a des musulmans qui portent une main, ils appellent ça la main de Fatima. Hein, ils portent ça, c'est comme une main accrochée avec une chaîne, ils portent ça dans le cou, ou bien des fois même ils peuvent le mettre dans un magasin, oui, sur le mur, la main comme ça, avec un œil au milieu. Et puis ils croient que cette main ou ce signe-là protège ou renvoie les mauvais sorts ou les mauvais œils ou des choses comme ça. Ça c'est pareil avec qu'est-ce que les gens peuvent croire, qu'est-ce que les chrétiens peuvent porter comme la croix par exemple. Il n'y a aucune différence en fait. Parce que la main ou la croix ou toute autre chose, objet, n'ont aucun pouvoir de même de rejeter un sort ou d'amener un bien ou de protéger d'un mal. Ce sont des objets, des matières inertes que Allah a créées et on n'a pas le droit de croire que ces objets-là ou que ces choses-là ont un pouvoir de nous protéger en quoi que ce soit ou de nous amener un mal quelconque. Ok? Non. Non, il y a des gens qui peuvent porter une photo comme le frère dit, qui croient que cette photo-là peut les protéger contre le mal. Ça aussi, parce que la photo, c'est premièrement, la photo, c'est un morceau de papier, c'est pas les protéger. Et puis deuxièmement aussi, parce que le fait que ce soit le chef qui soit dessus ou une photo d'un chef, eh bien le chef, il n'a aucun pouvoir non plus de t'amener un bien ou de t'éloigner d'un mal. C'est seulement Allah qui va à la. Ça. Et donc, dans ce sens-là, peut-être que même c'est doublement shirk, dans le fait que tu crois, si la personne croit que le papier peut l'aider, je doute que ce genre-là aille jusqu'à ce point-là, mais si aussi il croit ça, et de croire en plus que le shirk, le fait qu'il soit pour la photo, ça peut les protéger, ça c'est encore plus grave. Ça fait partie de ce qu'on a parlé dans les cours précédents, de l'exagération dans les personnes qui sont pieuses. Ça fait partie de l'al-ghulou fi s-salihin. Non. Et ça a fait tomber dans le shirk. Et donc, par exemple, comme on a mentionné, l'ayat, il y en a d'autres ayats, par exemple, Allah s.a. dit « Ma yaftahi Allahu lil-nasi min rahmatin fala mumsika laha » وما يمسك فلا مرسل له من بعده. Allah سبحانه وتعالى il dit ce que Allah سبحانه وتعالى ouvre pour les gens de miséricorde, personne ne peut le retenir. Et ce qu'il retient, alors personne ne peut le laisser le faire atteindre les gens après lui. وهو العزيز الحكيم. C'est lui le tout puissant et le sage. Donc un croyant, quelqu'un qui a compris que Allah سبحانه وتعالى c'est celui qui peut nous profiter, et c'est lui seul qui peut nous mener, c'est lui seul qui peut nous profiter, dans ce cas-là, on met notre confiance en lui, et on peut pas croire que les objets comme ça qu'on porte sur nous sont capables de nous protéger. On peut entrer dans ça aussi, les pattes de lapin, comme beaucoup de gens ici au Québec, c'est ça que les gens portent sur eux, ils mettent une petite patte de lapin dans un porte-clé, et ils croient que cette patte de lapin apporte la chance. Ou un trèfle à quatre feuilles, ou bien un fer à cheval. Vous allez voir les gens qui portent un fer à cheval. Le fer à cheval, vous savez c'est quoi? Ouais. Enfin, là, je pense que c'est okay. Et puis, il y a d'autres objets aussi comme ça. Quoi d'autre encore? Quand, par exemple, quelque chose qui se passe, toucher du bois, ils vont dire toucher du bois, ça apporte de la chance, et ça enlève de la chance. Des malchances, des choses comme ça. Il y a des objets comme ça que les gens peuvent porter sur eux pour essayer de les protéger de ces choses-là. Et puis, il y a un hadith, même il y a plusieurs hadiths qui sont rapportés là-dessus, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne dans un hadith, le cheikh il dit, فَأَنْ عُمْرَانِ ابْنُ حُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلَقَةً مِنْ صُفْرٍ فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي في حديث رابورتي par Amran ibn Hussein رضي الله عنه عند صحابة selon qui rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a vu un homme qui avait un bracelet ou un bracelet de cuivre dans son bras. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم lui a demandé qu'est-ce que c'est, pourquoi il porte ça, et la personne a dit c'est pour me protéger d'une maladie. Alors cette maladie, il a dit c'est al-wahna, une sorte de maladie. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم a dit enlève-la, parce qu'elle ne va faire que t'augmenter cette maladie si tu le portes. Pourquoi? Parce que en fait tu le portes et comme, étant donné que tu mets ta confiance en ce bracelet pour qu'elle t'éloigne de cette maladie, Allah subhanahu wa ta'ala, pour te punir, il fait que cette maladie-là augmente pour toi, en fait, parce que c'est comme une sorte de un retour pour le fait d'avoir enlevé diminué ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir mis ta confiance sur autre que lui, et bien Allah subhanahu wa ta'ala il te rétribue par quelque chose de contraire. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si jamais tu meurs alors que tu portes ce collier, tu n'aurais jamais eu aucun succès. C'est-à-dire que tu n'aurais jamais eu un succès. C'est comme une menace, en fait, de l'enfer. Parce qu'on sait que Al-Falah, le vrai succès, c'est le paradis et l'au-delà. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de lui faire comprendre que s'il meurt avec cet objet sur lui, alors il aura pas de succès dans l'au-delà. Et c'est un hadith qui est apporté par Ahmed et il est sahih. Et puis il y a une règle qu'on peut établir là-dessus, comme je vous avais dit, pour savoir quand est-ce que c'est shirk akbar, quand est-ce que c'est un shirk majeur et quand est-ce que c'est un shirk mineur. Et bien les ulama ils ont dit c'est un shirk akbar إذا اعتقد أنها مؤثرة بنفسها دون الله وشرك أصغر إذا لم يعتقد ذلك واعتقد أنها سبب. Okay, donc le chef il dit c'est un shirk akbar si la personne se le porte quoi qu'elle peut avoir un effet d'elle-même sans Allah SWT, sans que ça vienne d'Allah SWT. Donc quelqu'un qui porte un morceau de bois, un morceau de pierre, un morceau de cuir, de l'or ou n'importe quel autre matériel, que ce soit une croix ou quelque chose, et que cette personne-là croit que cet objet-là peut les protéger et qu'elle a un pouvoir d'elle-même d'éloigner le mal ou d'amener le bien, alors ça c'est shirk akbar. La personne qui a cru ça, elle a quitté l'islam. Mais si la personne, elle a porté cet objet, mais elle sait qu'elle n'a pas un pouvoir d'elle-même, sauf qu'elle croit que c'est une cause ou un moyen qui peut éloigner ce bien ou ce mal, alors dans ce cas-là, c'est shirk asghar. Ben, en fait, comme le frère dit, c'est comme un remède, c'est ça. C'est que si la personne, elle prend ça comme un moyen, il faut qu'elle ait une preuve pour dire que ce soit un moyen qui est acceptable. Ok? Comme par exemple, si je dis que ce chapeau est une protection contre le cancer, est-ce que j'ai une preuve scientifique ou quelque chose qui peut montrer que ça peut protéger contre le cancer? Non. Donc, si je dis, porter un chapeau comme ça vous protège du cancer, si je crois ça que c'est un moyen, pour ça j'ai besoin d'une preuve. Et étant donné que lorsqu'il n'y a pas de preuve et que je prends quelque chose comme un moyen pour me protéger contre quelque chose, eh bien ça devient une forme de shirk akbar, c'est-à-dire un shirk mineur. Et qu'est-ce que c'est le shirk mineur? Ça fait partie les ulama ils ont dit, c'est pas quelque chose qui te fait sortir de l'islam, sauf que c'est un péché qui est beaucoup plus grand que toutes les autres formes de kaba'ir. C'est plus grave au plan de la gravité, c'est plus grave que les grands péchés, comme tuer, voler, faire une zina ou les autres péchés comme ça. Parce que Allah l'a appelé shirk et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé shirk, sauf que même si c'est pas ça ne fait pas sortir de l'islam, mais c'est tout de même une chose qui peut t'amener à tomber dans le shirk majeur. Ça peut être un moyen. Hein. C'est comme par exemple quelqu'un qui croit que, comme le frère a dit, un remède. Si par exemple tu vas chez le médecin parce que tu as mal au ventre, et le médecin te donne un médicament à prendre pour enlever le mal de ventre. Eh bien, dans ce cas-là, tu prends un remède, et puis c'est un remède qui est un moyen réel. Et tu le prends, et tu crois que ce remède-là peut être une cause dans ta guérison, et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit, bien entendu. C'est pas le remède qui est guéri de lui-même, c'est Allah qui guérit. Sauf que Allah a fait que ce médicament soit une cause pour ta guérison. Donc tu le prends, et dans ce cas-là, c'est pas shirk akbar. Pourquoi? Parce que c'est un moyen réel. Ça a été prouvé, testé, et les effets ont été remarqués. Dans ce cas-là, c'est pas quelque chose qui a été inventé par les gens, qui a aucun rapport réel avec la maladie ou les symptômes ou la guérison. Hein. Donc c'est ça la distinction entre les deux. Et j'espère que c'est clair, mais peut-être que après il y a d'autres exemples qui vont être. Clair. Ouais, ça fait partie de Ruqya. Ouais, c'est ça. On va en parler. De ces choses-là, il y en a qui sont acceptées, il y en a qui ne sont pas acceptées. Inch'Allah, c'est dans ce qui vient. Le cheikh, comme deuxième exemple, il a mentionné qu'est-ce qu'on appelle ta'liq ou tama'im. Tama'im, c'est quoi? C'est d'accrocher des amulettes. On appelle ça amulette aussi, d'autres appellent ça gris-gris, amulette, talisman, ou des choses de ce genre. Hein? Ça, c'est des choses que les gens mettent sur eux pour protéger contre un mal ou pour guérir quelqu'un contre une maladie ou la magie ou contre un mauvais sort ou des choses de ce genre. Donc le cheikh il dit « وَهِيَا خَرَزَاتٌ كَانَتِ الْعَرَبْ تُعَلِّقُهَا عَلَىٰ أَوْلَادِهَا يَتَّقُونَ بِهَا الْعَيْنَ وَيَتَلَمَّحُونَ مِنْ اسْمِهَا أن يتم الله لهم مقصودهم. Donc le chef il dit que ça c'était des sortes de colliers ou des colliers avec des baies que les Arabes portaient. Ils mettaient ça sur leurs enfants pour les protéger contre le mauvais œil. Et il espérait en portant ces choses-là que Allah les fasse arriver ce qu'ils veulent. Et puis le cheikh il dit وقد تكون السمائم من عظام ومن خضر ومن كتابة وغير ذلك وهذا لا يجوز وقد يكون المعلق من القرآن فإذا كان من القرآن فقد اختلف العلماء في جوازه وعدم جوازه والراجح عدم جوازه سدا للذريعة فإنه يفضي إلى تعليق غير القرآن ولأنه لا مخصص للنصوص المانعة من تعليق التمائم كحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والسولة شرك رواه أحمد وأبو داود وعن عقبة بن عامر مرفوعا من علق سميمة فقد أشرك وهذه نصوص عامة لا مخصص لها. Donc le cheikh, ça ce qu'il dit après, il dit que ces tamaïm peuvent être faites à partir des os ou à partir de billes ou à partir de quelque chose qui est écrit, qu'on écrit ou autre. Et il dit que le cheikh il dit que ça c'est pas permis. Mais après il mentionne quelque chose, mais avant de continuer, j'aimerais donner une petite explication sur ce sujet-là. C'est que, comme les frères on a mentionné, ce sont les talismans, les affaires comme ça, les amulettes. Hein. Il y en a, les ulama ils ont divisé ça en trois catégories. Une qui est pas permise, qui est haram complètement. Une qui est permise. Et une qui est différence d'opinion, une sur lesquelles il y a une différence d'opinion. Le premier, yani, qui est interdit, c'est celui qui est un tama'im, qui est une amulette qui est faite avec autre que le dua ou autre que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple des gens qui vont aller voir certains magiciens ou charlatans ou des choses comme ça, et ils vont aller les voir pour leur demander de leur faire une amulette pour les guérir ou les protéger ou les enlever une certaine mauvais sort ou des choses comme ça. Alors ce charlatan là ou ce magicien, il va avoir un contact avec les djinns, il fait de la magie, alors il va lui faire écrire des versets ou des choses. Des fois c'est même pas en arabe, des fois c'est dans une autre langue, et ils l'écrivent parfois même avec des choses impures pour impures, yani najis, du sang ou des choses de ce genre. Ou parfois c'est pas le Coran, mais il y a des choses que d'autres font. Ils font des talismans comme ça ou des amulettes avec des signes. Des sortes de, ou bien même avec des chiffres. C'est pas une chose que tu peux lire, que personne peut lire. C'est des codes ou des choses que ça fait partie des affaires des magiciens, de magie. Sha'waza, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme de la sorcellerie. Mais ils écrivent ça, et puis ils le plient, et ils le mettent dans une poche, peut-être en cuir ou quelque chose comme ça, un petit morceau, et ils l'attachent quelque part sur le corps, le bras, la jambe, le cou, ou je sais pas, n'importe où dans le corps, et puis il croit que ces choses-là sont autour de la taille, et il croit que ces choses-là, yani, vont les protéger d'un mal. Ça, c'est, il n'y a pas de doute que, yani, c'est des shirk, yani, d'utiliser. Les gens qui font ces affaires-là, ça, c'est sûr que ce qu'ils font avec la magie, tout ça, c'est des mouchriquins. Ok? En ce qui concerne, yani, ceux qui font les amulettes, comme on a dit, il y a une autre section, c'est aussi, ça fait partie aussi de Ar-Ruqya. C'est-à-dire, Ar-Ruqya, il y en a qui traduisent ça par le terme, exorcisme. Incantation, ouais. C'est ça, ouais, aussi, incantation. C'est que, par exemple, pour, guérir d'une maladie ou pour, éloigner, enlever un sort ou des choses comme ça, il y en a qui vont justement écrire des versets de Coran ou bien des du'as ou des choses comme ça sur un papier, et puis ils le mettent dans une enveloppe ou quelque chose, un poche comme on a dit, et ils le portent sur leur corps. Ça aussi c'est quelque chose qui... Hirsa? C'est vous? Hirsa, ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Subhanallah. Ok. Si c'est le Coran, c'est ça. Il y a une différence d'opinion là-dessus. Il y en a qui ont dit que c'est correct. Parmi les ulama. C'est juste ijtihad. Ils ont fait une sorte de qiyas, comme on dit, pour essayer d'appliquer. Par exemple, je vais vous expliquer, peut-être ça va être plus clair après. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné que lorsqu'on est malade, ou lorsqu'on, avant de dormir, ou à certaines choses comme ça, la sunna c'est quoi? Tu lis les ayats, le Coran, ou les du'as dans tes mains comme ça, et tu souffles. Comme ça. Et là, après, tu le passes les mains sur ton corps. Okay, ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il était malade, il le faisait à lui-même, et des fois, quelqu'un le faisait sur lui, et des choses comme ça. Pardon? Il dit par exemple, قل هو الله احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, ou bien الفاتحة, ou ayat al-kursi, avant de dormir, ou des ayats comme ça, d'accord? Et il le passe sur eux-mêmes, et là, et après Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah décide que cette personne va être guérie, il le guérit. Et donc, ça c'était la façon qui est en accord avec la sunna. D'accord? On n'a pas vu autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam des sahaba, par exemple, ou des gens faire des, écrire des versets sur des papiers, puis le mettre sur eux. La façon de la sunna, c'est de réciter les versets, hein, et de les lire et de les appliquer, hein, dans la vie. C'est comme ça, que il peut, que ça fonctionne. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Mais le fait de mettre les versets comme ça sur soi-même ou de les écrire, parfois il y en a qui portent un collier avec le Coran dessus, ou Ayatul Kursi, Naam, sur une petite plaque en or là, Naam, oui. Sans oublier que ça c'est un manque de respect pour le Coran, bien entendu, parce qu'on rentre aux toilettes avec et tout ça, donc c'est pas bien. Mais en plus de ça, il porte ça une fois que, ça peut le protéger. Certaines personnes aussi vont mettre des ayats Coran dans leur voiture ou sur les murs, d'accord, dans la maison ou des choses comme ça. Mais ils pensent que le fait de les porter ou de les mettre comme ça, ça va les protéger. Sauf que, c'est pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le Coran. C'est pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré d'utiliser les du'a, les ad'iya ou bien les invocations, ou d'utiliser le verset de Coran. La façon de l'utiliser, c'est comme on a montré, de les réciter sur soi-même et de passer, tu les passes tes mains sur soi après, et aussi d'agir en accord avec le Coran, c'est-à-dire de l'appliquer, hein, de suivre les ordres d'Allah Ta'ala dans notre vie, de rester en état de pureté, de toujours se purifier, de s'éloigner le mal de nous, c'est en suivant la sunna, c'est pas en les accrochant comme ça. Et si on réfléchit bien, en fait, qu'est-ce que c'est la différence entre quelqu'un qui porte un Coran dans son cou, ou bien quelqu'un qui porte un objet pour essayer de le protéger? C'est sûr que tu vas dire, bon, ça c'est le Coran, mais le Coran, comment je pourrais dire, il est écrit sur du papier et avec de l'encre. Le papier et l'encre n'ont pas de pouvoir pour nous protéger, d'accord? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège, et non l'encre, le papier. Aussi c'est... Non, il y a des qui vont mentionner cet exemple. C'est vrai, parce que tu vas aller voir le médecin, il va te donner un remède pour ta maladie. Au lieu de le prendre, de le manger ou de le boire, toi tu le prends, tu l'attaches dans ton cou, comme le frère dit. Si tu fais ça, est-ce que ça va te guérir? Bien sûr que non. Donc, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran que le Coran c'est un shifa, hein, c'est un remède, c'est une guérison. Alors, est-ce que le fait qu'il soit une guérison, c'est que tu prends le Coran et tu le frottes sur ton corps et que tu vas guérir, ou bien c'est le fait de le lire, de le réciter et de le pratiquer, de l'appliquer, qui va te guérir, hein? Donc c'est ça en fait la différence. Et c'est pour ça que les ulama, comme le cheikh lui-même, il dit que la position la plus valable, la plus correcte, c'est de dire que même les tamas, et même si c'est écrit avec le Coran, c'est pas permis de les faire. Et la preuve que le cheikh a mentionné, une des arguments du cheikh pour dire que c'est pas correct, c'est de dire que dans les hadiths qui interdisent le fait de porter les tamaim, il n'y a aucune exclusion pour les tamaim écrits avec le Coran ou non. Alors, vous comprenez? C'est que dans les hadiths, elles viennent et elles interdisent toutes les formes de tamaim, toutes les formes d'amulettes ou de talismans, sans aucune exception. Donc, pour dire qu'on peut exclure ou on peut dire qu'on peut faire de celles qui sont faites avec le Coran, que c'est une exception, qu'on peut les accepter, il faut une preuve. Et le cheikh justement il dit, étant donné que c'était interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en général et qu'il n'y a aucune restriction ou exception faite pour le Coran dans les hadiths, dans les ayats, donc on voit que ça doit être aussi interdit, que c'est quelque chose de mauvais de le faire parce que c'est contraire à la sunna. Et parmi les hadiths que le cheikh a mentionné, c'est que ah ok ouais ok si c'est fait par exemple juste pour comme il y a des gens qui mettent le Coran sur les murs mais c'est pour décorer la maison dans ce cas-là c'est pas dans l'intention de chercher une protection de ces versets là ou quelque chose comme ça dans ce cas-là bon il y en a qui vont dire que c'est pas shirk dans ce cas-là bien entendu mais on voit qu'on s'éloigne quand même de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahabas n'avaient pas l'habitude d'écrire des versets du Coran sur les murs, ni d'accrocher des versets du Coran dans les mosquées. Et si on va dans les mosquées, comme par exemple les mosquées de Nabawi ou d'autres mosquées dans les pays musulmans, on voit que les musulmans ont fait toutes sortes de dessins, de calligraphies sur les murs pour décorer, hein, pour décoration. Et ça, en fait, ça fait partie des signes du jugement dernier, hein, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait déjà annoncé que vers la fin du temps, les gens allaient embellir les mosquées, d'accord? Ils allaient exagérer dans le fait d'embellir les mosquées, hein, avec toutes sortes de décorations et des choses en or et des choses. Alors ça, on voit que en fait, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était très simple. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une mosquée faite en terre, hein. Et il n'y avait pas de décoration dedans. C'est très simple. Sauf que les gens qui entraient dans cette mosquée-là, c'était des mu'minis, c'était des croyants. Et on sentait, et on a vu qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite avec leur foi, grâce à leur foi, comment ils ont fait étendre l'islam partout. Mais de nos jours, étant donné que nos cœurs sont moins remplis de foi et que ceux du Sahaba, alors on essaie de compenser par les décorations des mosquées. Qu'est-ce qu'on n'a pas à l'intérieur, on essaie de le mettre peut-être à l'extérieur. Et puis c'est pour ça qu'on ne voit pas les effets qu'on recherche, yani, par l'exemple des Sahaba, ben, on les voit pas chez nous, parce que justement, on s'est détourné de l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui on a essayé de suivre, yani, d'autres moyens pour essayer d'avoir une fierté, c'est-à-dire d'avoir des belles aussi bien décorées, sauf que nos cas, yani, sont un peu éloignés du droit chemin, yani. Les gens commencent à faire ça. Avant, les gens ne font pas chaque chose que la personne se porte dans le sens qu'on a fait. Oui. Ça peut aussi amener la rage. Non, ça peut amener la rage. Oui, oui. C'est comme meilleur. Barakallahu fi. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai que l'on fait. Non, je crois que ça fait vraiment partie de... Mais après, on va continuer parce que je veux juste mentionner ce que le cheikh a expliqué aussi. Il a mentionné un hadith rapporté par Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Il a dit « Sami'atu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna ruqa wa sama'im wa siwa la shirk rawahu Ahmad wa Abu Dawud » Le hadith qui dit الرقى والتمائم والسولة شرك. Donc il dit, Ibn Mas'ud, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que الرقى c'est comme on a dit les incantations, التمائم c'est-à-dire les amulettes, les choses qu'on a mentionnées tout à l'heure, والسولة, et السولة c'est ouais, ça peut être une sorte de filtre d'amour, ouais. Non, c'est quelque chose que les gens portaient dans leur cœur, dans leur fou ou quelque chose sur eux-mêmes, et qui croyaient que ça allait faire que un homme ou une femme les aime, ou tombe en amour avec eux. ça c'est qu'est-ce qu'on appelle Siwala. Et ça aussi, ça fait partie de, yani, la, des choses de sorcellerie, des choses comme ça. Et ça, ça rentre dans le shirk. Le prophète Mohammed a dit, ça rentre dans le shirk. En ce qui concerne Ar-Ruqa, yani Ar-Ruqya, ça là, comme on a dit, c'est permis si ça fait, si ça fait partie du Coran et des Al-Iya, yani des du'a qui viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas-là, c'est permis. Mais si c'est des ruqya faites avec des choses qui sont autres que le Coran et la Sunna, donc dans ce cas-là, ça, c'est pas permis. Un autre hadith que le cheikh il mentionne, c'est le hadith qui est apporté par Utba ibn Amir, marfou'an, من تعلق تميمة فقد أشرك. حديث rapporté par عقبة بن عامر qui dit celui qui a accroché une amulette, eh ben il a commis le shirk. Et ça c'est un hadith, c'est la fin d'un hadith qui est plus long en fait. C'est une histoire qui dit عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بيعت تسعة وأمسكت عن هذا قال إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق تميمة فقد أشرك. C'est une histoire, donc le hadith, le chef avait seulement mentionné la fin, mais le hadith au complet c'est un hadith dans lequel Uqba ibn Amir, un des sahabis, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu un groupe de 10 personnes. 10 personnes sont venues le voir pour accepter l'islam de lui et pour lui donner le bay'a, l'allégeance. Alors, une fois qu'ils sont venus, il a accepté 9 d'entre eux. Il a accepté 9 d'entre eux, mais il a refusé pour un d'entre eux d'accepter son allégeance. Alors, le sahabi a demandé au messager d'Allah, tu as accepté 9 d'entre eux, mais tu en as refusé un. Tu as refusé celui-là. Alors, il a demandé pourquoi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, celui-là porte une amulette. Il porte une amulette sur lui. Alors, il a refusé de lui donner l'allégeance. Et donc, la personne qui était concernée, la personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas donné le bay'a, il n'avait pas accepté son bay'a, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa main dans son vêtement et puis il l'a arraché, il l'a jeté. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'allégeance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, après ça, celui qui accroche une amulette, il a commis le shirk. Et yani, comme on a expliqué tout à l'heure, la distinction entre le shirk majeur et le shirk mineur, c'est celui qui le porte en croyant qu'elle peut être effective par elle-même, sans que ça, yani, qu'elle peut éloigner le bien, ou éloigner le mal, ou approcher, amener le bien d'elle-même, sans que ça a rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui croit ça, il a commis shirk akbar. Celui qui croit qu'elle n'a pas un pouvoir d'elle-même, sauf que, yani, elle est une cause pour amener le bien, et bien celui-là, il a fait le shirk asghar, c'est-à-dire le shirk qui est mineur. Celui qui porte par mode, là, en fait, il ne doit pas le porter. Pourquoi? Parce que ça ressemble à des choses qui sont en rapport avec le shirk. Et étant donné que ça a rapport avec le shirk, même si lui, il ne le fait pas pour que ce soit un shirk, comme par exemple, si un musulman décide de porter une croix, et parce qu'il le fait, pourquoi? Parce qu'il se dit, ah, je vais imiter les chanteurs de rap qui portent des croix. Mais moi, je crois pas que c'est quelque chose de bien, et je crois pas que c'est Jésus, ou je crois pas que c'est Dieu, ou fils de Dieu, ou quoi. Et je crois pas au christianisme, sauf que je veux suivre la mode de ces gens-là. Comme j'ai vu certains jeunes musulmans qui l'ont fait, hein. Alors, ceux qui disent ça, ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas le droit non plus de le faire. Même si, dans leur cas, ils n'ont pas cette intention-là, sauf qu'ils ressemblent à ceux qui le font. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Man tashabbaha biqawmin, fahuwa minhum. » Celui qui ressemble à des gens, alors il en fait partie. Il fait partie de ces gens-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il voyait une croix, il la cassait, il la détruisait. même si ce n'était pas fait dans l'intention d'être une croix, mais si, depuis qu'il voyait quelque chose qui avait la forme d'une croix, il essayait de l'éliminer ou de l'enlever. Donc ça c'est juste un exemple, mais ça ne s'applique pas juste pour les croix, mais toute autre chose qui ressemble à quelque chose qui a rapport avec le shirk ou le bid'a ou des choses comme ça. Comme par exemple quelqu'un qui prend une bouteille de bière et qui met du jus d'orange dedans ou du jus de pomme et qui sort dans la rue en train de boire le jus dans la bouteille de bière. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu fais, tu bois de l'alcool? Ils vont dire, non, c'est pas de l'alcool, c'est du jus. J'ai mis du jus dans la bouteille. Sauf que c'est une shubha. Ça ressemble à quelque chose qui est haram. Étant donné que ça ressemble à quelque chose qui est haram, donc ça devient haram. Oui, ça aussi. Bon, ça aussi, il faut éviter parce que justement, comme on dit, c'est shubha. Oui, au moins tu la mets dans un verre. Même les kuffars, yani, justement, ils font le contraire. Quand les kuffars, ils veulent boire de l'alcool dans l'autobus ou dans un lieu public, ils prennent l'alcool, ils le mettent dans un verre de jus ou dans un. Alors faire le contraire. C'est juste un exemple que je donne pour dire il ne faut pas imiter les choses qui sont mauvaises et qui sont contraires à la vérité. Après, le cheikh, il change, il passe à un autre point, c'est « At-tabarruq bil-ashjar wal-ahjar wal-athar wal-bunayat ». C'est-à-dire de chercher la bénédiction des arbres, des pierres et des constructions, des choses qui ont été bâties à certains endroits ou des restes de certains choses, des reliques. On va expliquer ce que ça veut dire. Le cheikh dit « At-tabarruq ma'nahu talab al-baraka wa raja'uha wa i'tiqaduha fi tilka al-ashya wa hukmuhu annahu shirk akbar annahu ta'alluq ala ghayr Allah subhanahu wa ta'ala fi husul al-baraka وعباد الأوثان إنما كانوا يطلبون البركة منها فالتبرك بقبور الصالحين كالتبرك باللات والتبرك بالأشجار والأحجار كالتبرك بالعزى ومناة. Donc le cheikh dit التبرك qu'est-ce que ça signifie, c'est-à-dire de chercher la baraka et de l'espérer et de croire qu'elle peut venir d'une chose quelconque, de croire qu'une chose quelconque peut te fournir cette baraka, cette bénédiction. Et la baraka c'est quoi? C'est yani, une augmentation de bien, d'un bien dans une chose quelconque. Et qu'est-ce que ça implique? Son verdict c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? C'est que c'est un shirk akbar, un shirk majeur, de chercher la baraka ou la bénédiction d'une chose qui n'en est pas la source autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie du shirk. Pourquoi? Parce que c'est de s'accrocher à autre que Allah subhanahu wa ta'ala pour accéder à une bénédiction. On doit uniquement chercher une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et non de personne à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shirk il dit après, les adorateurs d'idoles, ils cherchaient la baraka de leurs idoles. Les gens qui adoraient les idoles au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avant le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même aujourd'hui, ils cherchent la bénédiction de leurs idoles. Et après il dit, وَإِنَّ مَكَانُ يَطْلُبُونَ الْبَرَكَ مِنْهَا Après il dit, donc de chercher la bénédiction à partir des tombeaux des gens qui sont vertueux, comme certains musulmans ignorants ou certaines personnes qui ont dévié, qui n'ont pas tenu le tawhid, qu'est-ce qu'ils font pour avoir une baraka, pour avoir une bénédiction? Ils vont aux tombes des gens qui sont morts ou qui ont été vertueux ou qu'on a déclaré être comme étant des awliya, des saints, et ils vont toucher à la tombe et ils espèrent que une bénédiction va sortir de la tombe venant du cheikh et en est pour après monter pour venir sur eux. Ils cherchent la baraka, la bénédiction des tombeaux et non d'Allah. Et donc, il y a une ressemblance dans ça avec ce que les mouchriquins faisaient avec Allah. Parce que une des idoles des Arabes avant l'islam, c'était Allah. Ils l'appelaient Allah. Et c'était un homme pieux qui, je crois, servait de l'eau au Hujjaj. Et quand il est mort, les gens ont pris cet homme-là et à l'endroit où il était, où il restait pour donner l'eau au Hujjaj, et ils ont bâti à l'endroit où il est mort une statue qui le représente, où ils ont mis une pierre à cet endroit-là, et les gens allaient toucher à cette pierre pour chercher Al-Baraka. Donc, ceux qui font ça, c'est exactement la même chose que qu'est-ce que les mouchriquins faisaient avec Allah. Et ceux qui font chercher la baraka des arbres et des pierres, eh bien, ceux-là, ils imitent les mouchriquins. Qu'est-ce que les mouchriquins faisaient avec Al-Uzza wa Manat. Et Al-Uzza wa Manat, c'était justement Al-Uzza, je pense que c'était un des idoles des mouchriquins, et c'était un arbre. Et l'autre, c'était une manate, c'est une pierre, ou vice versa, un des deux. Donc, beaucoup de gens ne savent pas que ces idoles-là, c'était représenté par des roches, ou par des pierres, ou par des arbres. Et certains musulmans aujourd'hui qui recherchent la baraka à partir des arbres et des grottes, et des endroits comme ça dans la nature, ils vont à ces endroits-là, et ils recherchent la baraka de ces endroits-là. Hein, il y a dans les pays musulmans, des gens qui vont à ces endroits-là pour chercher la baraka de ces choses-là. Et en faisant ça, ils imitent exactement les actes des gens de la jahiliya, c'est-à-dire les gens avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Oui, c'est ça. Une baraka à son mourid. Oui. Oui, c'est ça. Non, ça aussi, ça fait partie de ces exemples d'égarement, puis de bid'ayani, de shirk, qui n'ont pas rapport avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple, comme tu dis là, qu'est-ce que les gens font avec les chouyours qui espèrent la baraka? Les ulama ont dit qu'on peut pas prendre la baraka des restes des salihin ou de leurs tombeaux, hein, parce que il y en a qui ont comparé ces gens-là avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, quand il faisait le wudu, les sahaba, ils aimaient prendre qu'est-ce qui tombe des bras, de l'eau qui tombait des bras du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de sa barbe, ou des choses comme ça, ils aimaient le prendre pour le mettre sur eux, comme pour avoir la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les ulama ont dit aussi ses cheveux, les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses ongles, ou des choses comme ça, ils le faisaient tabarouk avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que, pour autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas permis de le faire. Et eux, ceux qui ont voulu faire une qiyas, avec qu'est-ce que les sahaba ont fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour essayer de l'appliquer avec les autres salihin, les autres personnages qui sont pieux ou vertueux, qui sont des bons musulmans, et bien, c'est comme ils essaient de les comparer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça, c'est pas correct, c'est pas permis. Et ça c'est comme c'est quelque chose qui amène vraiment à s'éloigner du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, pas pour faire l'ablution, pour chercher la bénédiction d'Allah. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accepte ça, oui. C'était permis pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, par exemple, il prenait une date qu'il mettait dans sa bouche et puis il le mettait dans la bouche d'un enfant. Et puis les sahaba, ils allaient faire souvent demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire des choses comme ça pour donner la baraka à l'enfant. Ça, c'est des choses qui se faisaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que c'est pas permis de le faire avec autre personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Dans la bouche, ouais. Ouais, c'est ça, c'est. pour ça, je ne sais pas si c'est permis ou non. Il y a des gens qui en parlent de ça, justement. Mais on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, je pense que ça a été rapporté, mais je ne suis pas certain là-dessus. Il faut que j'aille vérifier encore pour te donner une réponse plus exacte. Mais Inch'Allah, c'était juste pour mentionner ça, parce qu'il y en a déjà des bid'ahs. Il essaie toujours de dire qu'on peut chercher la baraka des choses comme ça. Et moi, j'ai vu par exemple, quand j'étais à Al-Madinah al-Munawwarah, des gens qui vont, alaykoum salam wa rahmatullah, qui touchent les portes de la mosquée, ils touchent le manbar, ils touchent toutes sortes d'objets comme ça, et ils pensent qu'il y a une baraka à toucher à ces choses-là. Ça aussi, ça c'est pas correct. On n'a pas le droit de, notre religion n'est pas basée sur ces choses-là. Le baraka, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc on doit la chercher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le chef, il a mentionné comme exemple, il a dit, « وَعَنْ أَبِي وَاقِدْ أَلَّيْسِي قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَى حُنَيْنِ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ وَأَهْدٍ بِكُفْرٍ وَلِلْمُشْرِكِينَ سَدْرَةً يَعْكِفُونَ عِنْدَهَا وَيُنَوِّطُونَ بِهَا أَصْبِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلها كما لهم آلهة وقال اجعل لنا آلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ولتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. Donc c'est un hadith rapporté par Abu Waqid al-Layfi qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Waqid al-Layfi dit, nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller à Hunayn lors de la bataille de Hunayn. Et nous étions, il dit, certains d'entre eux étaient nouveaux dans l'islam. Ils n'avaient pas quitté le Kouf depuis longtemps. Ça faisait pas longtemps qu'ils avaient quitté le Kouf. Et ils savaient que les mouchriquines avaient un arbre sur lequel ils accrochaient leurs épées et leurs armes. Et ils croyaient que cet arbre donnait plus de force à leurs épées. Lorsqu'ils accrochaient leurs épées à cet arbre, ils croyaient que leurs épées devenaient plus puissantes. Alors, lorsque les sahabes qui sont passés auprès d'un arbre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu peux nous mettre cet arbre là pour nous, de la même façon que les mouchriquines, eux, ont un arbre sur lequel ils accrochent leurs arbres, est-ce que tu peux nous en déterminer un pour nous aussi? On va faire la même chose, on va accrocher nos armes dessus pour que ça les rende plus puissants. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu ça, il a dit Allahu Akbar. Il a dit Allahu Akbar, innaha sunan. Il dit Allah est le plus grand. Il dit c'est les choses qui se répètent à chaque fois. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est exactement la même chose que ce que les gens des fils d'Israël ont dit à Moïse. Ce que vous avez dit, c'est la même chose que ce que les fils d'Israël ont dit à Moïse. Fais-nous un Dieu comme ces gens-là en ont un. Fais-nous un Dieu semblable à leur Dieu. Quand ils sont passés à côté des gens qui adoraient une idole, ils sont passés à côté de ça et ils ont dit à Moussa, faites pour nous un Dieu le même genre que ces gens-là ont un Dieu pareil. Ils demandaient à Moussa, Allah Moussa, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de leur faire comprendre que de demander ces choses-là, c'est shirk. Et on ne doit pas demander d'avoir un arbre et de croire que cet arbre-là a un pouvoir de donner une force aux épées et aux flèches et aux autres choses. Ça, c'est de donner à une créature un pouvoir qui appartient uniquement à Allah. C'est Allah qui a le contrôle sur ces choses, et non les arbres, et non les pierres, et non les autres créatures. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite, « Latarkabanna sunana man kana qablakum, sunana man kana qablakum. » Vous allez suivre les exemples des gens qui sont venus avant vous. Hein? Il leur a dit ça pour les avertir que, yani, avec le temps, yani, il y en a parmi les musulmans qui vont s'égarer de l'islam et qui vont faire exactement ce que les juifs et les chrétiens et les autres ont fait avant. C'est-à-dire ils vont s'éloigner de l'islam et ils vont faire des groupes et des sectes et ils vont faire des exemples de shirk, ils vont s'éloigner de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le temps. Après le shirk, il passe à un autre exemple et il parle de la magie, al-sihr. Et il dit, وهو عبارة عما خفي ولطف سببه وسمي سحرا لأنه يحصل بأمور خفية لا تدرك بالأبصار وهي عبارة عن عزائم ورقى وكلام يتكلم به وأدوية وتدخينات ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه وتأثيره بإذن الله الكوني القدري وهو عمل شيطاني وكثير منه لا يتوصل إليه إلا بالشرك والتقرب إلى الأرواح الخبيثة بشيء مما تحب والاستعانة بالتحيل على استخدامها بالإشراك بها ولهذا يقرن الشارع بالشرك وهو داخل في الشرك من ناحيتين الأولى ما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بهم وربما تقرب إليهم بما يحبونه ليقوموا بخدمته والثانية ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في ذلك وهذا كفر وضلال وقال تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. Donc le cheikh il explique et il dit que la magie, qu'est-ce que ça signifie? C'est quelque chose qui est caché, quelque chose qui est caché, c'est-à-dire quelque chose dont la cause est cachée, quelque chose dont on ne peut pas expliquer la cause, c'est pas visible avec les yeux. Et ça, on l'a appelé magie ou sihr en arabe parce que ça arrive par des causes, yani, qui sont pas visibles avec les yeux. Et le cheikh il dit, ce sont des incantations, des formules et des paroles que quelqu'un prononce ou des certains remèdes ou des choses que des gens peuvent prendre comme ça ou donner. Et ces choses-là peuvent, cette magie-là, elle affecte aussi, elle affecte dans le cœur, c'est-à-dire l'âme, et aussi elle peut affecter les corps et rendre quelqu'un malade. Et elle peut aussi même tuer. Avec la magie, on peut même tuer. Et aussi, comme Allah a mentionné dans un verset dans le Coran, que certains l'utilisaient aussi pour séparer un homme de une femme de son mari, un mari de sa femme, séparer les époux, yani, causer des divorces ou des choses comme ça. Et bien entendu, il ne peut être effectif que par la permission d'Allah, parce qu'on sait que il n'y a rien dans l'univers qui peut se produire, excepté que ce soit par la permission d'Allah. Et c'est un acte diabolique. Et la plupart du temps, il n'y a personne qui peut arriver à commettre la magie ou à pratiquer la magie sans avoir commis un acte de shirk auparavant. C'est-à-dire, soit par le fait d'avoir entré en contact avec certains diables, ou des chiantines parmi les djinns pour qu'ils puissent nous dévoiler certaines de ces formes de magie, c'est-à-dire que ceux qui pratiquent cette magie-là, ils entrent en contact avec les djinns, les chiantines, les diables, et ils demandent à ces djinns de leur donner certaines connaissances de certaines choses pour appliquer de la magie. Mais en retour, les djinns vont leur donner à faire certains actes de sacrilège ou certaines pratiques qui sont des actes de kufr et de shirk. D'accord? Donc, les djinns, les shayatins, ils ne vont pas apprendre à la personne la magie, excepté qu'en retour, la personne doit commettre un acte de kufr ou de shirk. Et c'est pour ça que la magie, ça rentre, c'est toujours mentionné avec le shirk et le kufr, la mécréance et l'idolâtrie. Toujours reliés ensemble parce que tu ne peux pas faire un sans l'autre. D'accord? Et aussi, en fait c'est ça. Et il dit que ça rentre dans le shirk, ça entre dans le shirk de deux points de vue. Le premier point de vue, c'est le fait d'utiliser les diables et de s'attacher à eux. Et aussi même d'essayer de s'approcher d'eux, c'est-à-dire de leur offrir certains actes d'adoration pour les satisfaire, pour faire ce qu'ils aiment, pour qu'ils nous servent en retour. Donc, entre le djinn et le magicien ou le sorcier, il y a cette relation de servitude l'un pour l'autre. Un offre un service en échange d'un autre. Sauf que ce service-là, il vaut ton âme à l'enfer pour l'éternité, pour l'être humain. Hein? Et il y a le deuxième point qui relie ça, qui relie la magie avec le shirk, c'est le fait de prétendre connaître l'invisible. Et ça, c'est prétendre avoir une participation avec Allah dans la connaissance de l'invisible, et ça, c'est kufr, bien entendu. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد donc on continue inshallah. Donc on a expliqué que c'est shirk, la magie ça rentre dans le shirk de deux points de vue, et on a expliqué les deux, et après le shirk il a mentionné وقال تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق, et ils ont su que ceux qui allaient, ceux qui ont appris la magie, ils ont su auparavant que celui qui allait le mettre en pratique, il n'allait avoir aucune part dans l'au-delà. Il n'allait avoir aucune part au paradis. Il n'allait être en enfer. Ça, c'est quelque chose garanti. Alors, Le cheikh il dit ensuite, wa an Abi Hurayra radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, ijtanibu as-sab' al-mubiqat. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Donc selon أبي هريرة رضي الله عنه que le prophète le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: écartez-vous des sept choses qui vous amènent à la perdition. Même. Ils ont dit quelles sont les sept choses qui nous amènent à la perdition, ya Rasulullah, quelles sont-elles? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ash-shirku billah, le premier c'est d'associer à Allah sallallahu alayhi wa sallam quoi que ce soit. Le deuxième, as-sihr, la magie. La troisième, قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, de tuer une personne qui est interdit de tuer sauf s'il y a un droit, c'est-à-dire bon, par exemple si c'est une personne qui a commis un crime, qui a tué ou des choses comme ça, ou si quelqu'un qui a commis l'adultère, il va être lapidé, ou si c'est quelqu'un qui a apostasé l'islam, donc il va être tué. Ça, c'est des choses qui sont appliquées, bien entendu, par les responsables des musulmans, dans un pays musulman. Donc, quand Allah dit « illa bilhaq », c'est ça que ça signifie. Mais, yani, de tuer, c'est un péché qui fait partie des sept actes qui amènent à la perdition. Non, en fait, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un qui a... C'est comme j'ai dit, ça c'est des règles qui s'appliquent dans le pays musulman et ça c'est appliqué uniquement par un chef d'État ou un de ses représentants, tu vois. C'est-à-dire que dans l'islam, il y a la peine, c'est comme on appelle ça le talion, œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Si quelqu'un tue, la punition dans la charia, dans l'islam, c'est qu'il soit tué, à moins que la famille de la personne... À moins que la famille de la personne qui a été tuée pardonne à la personne qui a commis le meurtre, dans ce cas-là, il n'est pas tué. Mais sinon, s'ils acceptent, s'ils ne le pardonnent pas, alors il doit être exécuté. Ou bien il doit payer, comme on a dit, s'il est pardonné, il doit payer un prix de sang pour la mort de la personne, en échange. Wallahu a'lam. Donc, ça c'est le troisième. Le quatrième, aklu riba, c'est de prendre ou de manger les intérêts. De prendre des intérêts ou d'en faire payer aux autres. Ça fait partie des sept qui amènent à la perdition. Ou aklu mal yatim, de manger les biens des orphelins. Ou bien de prendre les biens des orphelins. At-tawalli yawm zah, c'est-à-dire de tourner le dos à l'ennemi. Lorsqu'il y a une rencontre, un combat, de tourner le dos, de s'enfuir, ça fait partie des sept qui amènent à la perdition. Et qalful muhsanat, al-rafinat, al-mu'minat, c'est-à-dire de lancer des accusations contre les femmes qui sont chastes, en les accusant d'avoir commis un acte de turpitude ou d'adultère ou des choses comme ça, ça fait partie des sept actes qui amènent à la perdition. Donc ça c'est les sept. Je pense qu'on peut s'arrêter ici et puis Inch'Allah on va continuer la semaine prochaine. S'il y a des questions ou il y a des choses, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des commentaires ou... Non, un remède. Est-ce que ce hadith que tu mentionnes, est-ce que tu connais sa référence? Est-ce que tu sais d'où il a été tiré? Ah d'accord. Non, d'accord, juste pour commenter à propos du point que tu as mentionné. C'est que dans ces choses-là, tu prends le remède et tu crois que yani, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit. Hein? C'est lui qui rend malade et celui qui guérit. Et s'il a fait de ce remède-là une cause pour que tu sois guéri, alors tu vas être guéri, incha'Allah. Sauf que tu dois toujours mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ta'khudh bil asbab, thumma tatawakkal 'ala Allah. Tu prends les moyens nécessaires pour avoir la guérison, tu vas voir le médecin, tu vas prendre ton remède, ton médicament, et ensuite tu mets ta confiance en Allah parce que de toute façon c'est seulement yani, par Allah subhanahu wa ta'ala que tu vas être guéri. Hein? Il se peut que certaines personnes prennent un médicament et qu'ils soient guéris, et qu'une autre personne prenne le même médicament pour la même maladie et que ça les tue. Hein? Parce que chaque personne est différente. C'est pour ça que, yani, il faut toujours mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et puis, dans qu'est-ce qu'on va voir plus tard, on va en parler de ça aussi. Parce que, parfois, il y a des maladies qui se répandent. Et puis, on appelle ça les maladies contagieuses. D'accord? Sauf que, c'est pas tout le monde qui attrape les maladies contagieuses. Et il y a certaines personnes qui vont être en contact avec une personne qui a une maladie contagieuse, ils vont jamais être atteints. Et d'autres, ils vont être atteints tout de suite et ils vont mourir. Parce que tout ça, c'est pas la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Tout ça fait partie de ce que Allah a prédestiné pour nous. Pour les gens qui font le cirque, concernant une sans connaissance, c'est une fois élevée. Est-ce qu'ils seront suspendus, même si c'est chef de l'union? Non. Regarde, les personnes qui commettent le shirk et qui connaissent pas, on peut pas dire qu'ils sont, on va pas dire qu'ils sont à l'enfer pour l'éternité jusqu'à ce qu'on a établi contre eux la preuve. D'accord? C'est Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Donc, une personne qui a pas reçu de message ou qui a pas reçu de rappel, elle va pas être, punie pour quelque chose qu'elle a pas su. Sauf que si elle est musulmane, dans un pays musulman, et qu'elle a accès aux livres, aux cassettes, aux ulama, et qu'elle ne fait pas d'efforts pour chercher la vérité, elle ne fait pas d'efforts pour apprendre le tawhid, qui est la base de l'islam, et qui est obligatoire pour chaque musulman, alors là il y a un problème dans sa foi. Et peut-être qu'elle ne sera pas excusée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah seul le sait. Mais en ce qui concerne d'appliquer le verdict sur quelqu'un, de dire « Ah, cette personne-là est un mouchrik » ou non, il faut bien entendu avoir expliqué à la personne que ce qu'elle fait est un acte de shirk. Et lorsqu'elle continue à vouloir le faire après avoir su que qu'est-ce qu'elle fait c'est shirk, alors dans ce cas-là, on va dire « Oui, c'est un mouchrik ». Mais yani, c'est pas nécessairement une condition pour que quelqu'un, par exemple, tu vas dire, c'est pas une condition pour que quelqu'un ait la connaissance pour qu'il soit un mouchrik. Parce qu'il y en a par exemple des chrétiens qui font le shirk, des hindous qui font le shirk, ils n'ont pas de connaissance. Parce qu'ils sont des mouchrikines quand même. Hein? Allah les a appelés dans le Coran, les gens de Quraysh, mouchrikines, et même qu'ils savaient que, yani, ils adoraient ou ils mettaient leur confiance en autre que Allah, ou ils imploraient autre que Allah, ils savaient. que ces choses-là n'avaient aucun pouvoir, mais ils continuaient quand même à les appeler et à demander l'aide. Et bien, quand on leur disait, pourquoi vous n'allez pas adorer Allah seul, alors que vous savez que ces autres choses-là n'ont aucun pouvoir. Ils disaient, on veut seulement qu'ils nous rapprochent à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, oui, toujours les mushrikins, ils ont des arguments. Donc, on va commencer la prière. Alors, c'est bon, on va finir. On va finir.